Situation 4. Je déteste le sport. Je préfère une bonne lecture. Pas moi. Moi, je vais au club de sport 2 à 3 fois par semaine.